Au départ, ils n'étaient que sur Skyrock. Aujourd'hui, tu les entends partout. Skyrock Classics. Ouais, tous les dimanches 18h-20h pour bien terminer le dimanche soir. La meilleure fin de week-end, c'est sur Skyrock, on l'a pas. Skyrock Classics, 18h-20h avec les meilleurs sons de Skyrock. On vous a sélectionné depuis qu'on est premier sur le rap, depuis l'année 96. On vous ressort les meilleurs titres qui ont le plus cartonné sur Skyrock. Voici le début de l'émission avec Brandy et Monica. Tout de suite, voici The Boy Is Mine. Il y aura aussi 2 Chainz et Wiz Khalifa, We On It, le son de Fast and Furious 6. Ça a tout déchiré, c'était il y a 3 ans déjà. Et puis Funky Family, du gros son rap français, si je les avais écoutés. Et attention, la double de Rihanna, si jamais dans l'émission vous entendez deux sons de Rihanna à la suite, peut-être 5 places pour vous pour aller la voir en concert. Ce sera à l'Allianz Riviera de Nice le 15 juillet, c'est-à-dire vendredi prochain. Soyez à l'écoute de l'émission, bougez pas. Skyrock Classics avec Maxime, 18h-20h sur Skyrock. Skyrock. Rap et R&B non-stop. From Miami. 2 Chainz. Money's the motivation, money's the conversation. You on vacation, we getting paid, so we on vacation. I did it for the fam. It's whatever we had to do, it's just who I am. Yeah, it's the life I chose. Gunshots in the dark, one eye closed. And we got it cooking like a one-eye stove. You can catch me kissing my girl with both eyes closed. Yeah, perfecting my passion, thanks for asking. Couldn't slow down, so we had to crash it. You use plastic, we bout cash. I see some people ahead that we gon' pass, yeah. I never fear death or dying. I only fear never trying. I am whatever I am. Only God can judge me now. One shot, everything rides on tonight. Even if I've got three strikes, I'ma go for it. This moment, we own it. And I'm not to be played with. The same ones that I ride with be the same ones that I die with. Put it all out on the line with. If you're looking for me, you can find wit in the new car or the crown whip. My new bra does a fine chick in the weather squad. I'm down with. Ain't no way around it. What you say? Tell me what you say. Working hard, repping for my dogs. Do this every day. Taking off, looking out for all. Making sure we ball like the mob. All you do is call. Catch you if you fall. Young Khalifa. I never fear death or dying. I only fear never trying. Judge me now. Spirit, I'm feeling like a kill inside. Oh, financial outbreak, I'm free, but I ain't out yet. Riding with the plug, so I'm close to the outlet. At the red light, rim sitting offset. I look better on your girl than outfit. Stuck to the plan. Always said that we would stand up, never ran. We the fam and loyalty never change up. Been down since day one, look at where we came from. Jumping out on anybody who try to say something. One thing about it, got a problem, I got the same one. Money rolls, we fold. Plenty clubs, we close. Follow the same code. Never turn our backs, our cars don't even lose control. One shot, everything rides on tonight. Even if I got three strikes, I'ma go for it. This moment. Et des enfoirés aussi. Où je serais si je les avais écoutés à cette heure-ci? Peut-être au Beaumet, si les flics m'avaient passé les gourmettes. 213 chemin de Morchou, on connaît l'adresse. Honnête, je l'ai pas toujours été, je l'avoue. Avoir arrêté les études, après tout ça, je m'en fous, c'est fait. Je suis ce que je suis et compte bien le rester. Je les attends de pied ferme, ceux qui comptent me tester. À mes débuts, combien on crut me dégoûter. Mon même dit d'arrêter sur ce, j'ai bossé dur comme si de rien n'était. Voilà le résultat, une vengeance des plus classées. C'est mon esprit de revanche qu'ils auront renforcé. Merci à ceux qui n'ont jamais cru en nous. Voyez de vous-même. Après, malgré les vies qu'on mène, on forme qu'un. Je respecte ça et ça n'a pas de prix. C'est nous contre le reste du monde, le temps et son emprise. Merci aussi à nos mères et ceux qui étaient là dans tous ces sales moments. Sans vous, FF ne serait pas ce que c'est en ce moment. Vos encouragements, tous étaient reçus. Après 100 000 ventes, on n'a pas perdu vrai de vue de gaz. Si je les avais écoutés, si j'avais été, je m'en fous. Mentalité d'excité, putain, douter du tout, rien de mieux à faire que du thé bien équipé d'un flair de loup. Faut pas rester dégoûté, qu'on ait de quoi être fier de nous. Si je les avais écoutés, si j'avais été, je m'en fous. Mentalité d'excité. Rien de mieux à faire que de lutter bien équipé de flair de loup. Pour pas rester dégoûté, qu'on ait de quoi être fier de nous. Si je les écoute.

bonnes raisons. Que chèque que je vis qu'une fois, je suis encore chez ma mère. C'est pas à 30 piges frère que je pourrais me permettre de tout refaire. Les jours défilent, je me demande ce que le futur me réserve. À savoir, je prie pour ma famille, que Dieu les préserve. Le soir, je vois des potes teaser, friser le coma, à croire que le malheur les a hypnotisés. Si on se mettait à chialer pour toutes nos galères, je t'assure qu'on chialerait encore. Et j'aimerais bien qu'on me prouve le contraire. Bordel, les gens nous montrent du doigt. Et après, on penserait que cette attitude pourrait nous donner du respect. On vit comme on vit, on est comme on est. Et puis c'est tout, chacun a ses règles, ses traditions. Le reste, on s'en fout. Si je pose, pose, ose la zizanie. C'est que le Tunisiano ose dire des choses et fait pas belle Annie. Ça va pas, y'a des hauts, y'a des bas. Je compte pas faire débat, la France a causé des dégâts. Hey, ouais. Donc on vivra, même si on doit souffrir. J'ai déjà mes baissé les bras, même si je m'efforce de sourire. Si je dois rire ou pleurer, me taire ou crier, je fais le tri et je pense que prier est le seul moyen pour laisser le soleil briller. Certaines choses me plient en quatre et d'autres me foutent la rage. Un espèce de contraste comme le beau temps qui chasse l'orage. J'y gris, ma vie n'est pas rose. Ouais putain, j'en vois de toutes les couleurs. Le soir, je tape une danse, je m'en fume la race, j'oublie mes douleurs. Mais pour l'heure, je suis qu'un mec de plus sur ce navire qui chavire. Ce navire qu'on appelle la France, notre souffrance leur donne à tous le sourire. Ne parle pas d'horoscope ni même d'avenir, les choses se passent. Tu ris, tu pleures, tu vis, tu meurs. Tout est écrit, le temps s'efface et fils. La vie, ça ne laisse que des cicatrices, et triste à dire. Aujourd'hui, même si tu te casses la gueule, faut savoir. Garder le sourire, saisir les bonnes occasions. Pas faire de sa vie un film comique tout naze à base de phrases. L'alarme mélancolique, l'alarme qui fait déborder le valise. Autour de toi, faut être à la hauteur de soi, je crois. Si t'attends rien de la vie, c'est normal qu'au final elle te déçoit. Mais ne baisse pas la tête, non, ne dépose pas les armes. Aujourd'hui nos familles pleurent, je te jure que demain les leurs verseront des larmes. La vie trop courte, court, je ne cesse de me le tirer. Plus les jours passent, plus j'en ai rien à cirer. Pas le temps de l'admirer, on dirait que ça ne cesse d'empirer. Dans la spirale, je suis aspiré, j'irai. Peut-être demain sous le gaz, on faire une virée. Je préfère en rire, kiffer à bloc les chirer avec mes potes les virer. Mais pour le moment, passe-moi le... Laisse-moi tirer. Je sais que c'est dur, mais ne baisse pas les armes. Si tu passes du rire aux larmes, pense au futur, la vie est pure et pleine de charme. Je sais que c'est dur, mais ne baisse pas les armes. Si tu passes du rire aux larmes, pense au futur, la vie est pure et pleine de charme. Je sais que c'est dur, mais ne baisse pas les armes. Si tu passes du rire aux larmes, pense au futur. The 6E's out, CD lace, digital readout, no doubt, pop blocks from the draft. The weed house show elegance. Hate females with no intelligence. Embezzlement. Got big boys behind the metal fence. Melvin Lynch. It's your life. Chris Paul right. This or ice. Sex chicks or tights. General status. Smoothness mixed with malice. Trips to Dallas. Built a pool in my palace. Who want what? For more monies. I wanna cut. Extorting. Tore from the corners that brung us up. 60 inch screens. Laser disc with the beam. It's my life. I'm holding the dice. Don't intervene. I send a team to smash out your whole plans. No cold hands. Live with a hunger. The whole grand. So from state biz to large cats and lace cribs, it's firm, bitch. Y'all know what time it is. I'm taking Ferdis to me, baby. Talking about the firm that is. With AZ, V12, swells crazy. I ball with the firm's first lady. I brawl with those who hate me. Make me spray y'all all, hoping for the day I fall. Never that though, pack four fours for feds, like Donnie Brasco. So peep the capos, who mac most? Splash it up with lactose. Pretty thug style, I blow you out slug style. Bent in the caddy coupe, me and daddy duke. He schooled me on how to stand on my own too. He said, son, it's all kind of you gon' go through. Either you gon' make it or you gon' fall too. Now we headline tours. Remember me, I told you that the world was yours. Married to the firm laws, Esco, blessed flows. Y'all know me, laced in a Somi firm. Be the hottest click to blow G, blow G. Victim to horny, hope the panties drop. Only if I cop the baby blue drop. Got to keep my wrist ice, the baddest. Yeah, the sex was alright, lace them all night. Going to the crib, jumping out the range in the iceberg tights. Yeah, I know about the five and it's one shut eye. 360 wave, spinning cat, thinking he nines. From now to the day we shining, keep my diamond Esco with me in the E reclining. Top dog, the illest duo, since the boss name was Hugo. AZ, phone trio, stay on the Lilo. Lilo. Tous les dimanches 18h-20h Skyrock Classics pour bien terminer le week-end avec les meilleurs sons de Skyrock. C'était The Firm avec Nas, Foxy Brown, Firm Biz, le son qu'on écoutait à l'instant. Je vous ai parlé tout à l'heure de la double Rihanna. Si jamais vous entendez deux sons de Rihanna à la suite dans l'émission, c'est Rihanna que vous enverrez au 7-20-20 et peut-être que vous repartirez avec 5 places pour aller voir Rihanna du côté de l'Allianz Riviera. C'est le grand stade à Nice. La grande tournée Skyrock démarre vendredi prochain, c'est le 15, la première date, et on vous l'offre des places par 5. Rihanna justement, elle arrive dans l'émission, mais je vous annonce qu'un son, peut-être un deuxième juste après. Faut bien rester à l'écoute. C'est What's My Name avec Drake, juste avant il y a House of Pain à écouter Jump Around. Et Naughty maintenant, elle te rend dingue dingue dingue avec son pom pom short sur Skyrock. Ouais. On va dédicacer à tous les lovers du monde entier, tous ceux qui s'aiment et qui savent ce qu'il faut endurer. C'est le jour se lève encore ici-bas, mais la vie n'a plus le même éclat. Et si le soleil brille, baby, il ne brille plus pour moi. La journée s'annonce claire et limpide, mais dans ma tête je dois faire le vide. Le temps s'est arrêté ici depuis que tu n'es plus là. Elle te rend ding ding ding quand elle a son poum poum shot. Et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque. Elle te rend ding boy quand elle whine dans son shot. Et y'a pas que chez toi qu'elle a causé bien choc. Elle est trop belle, s'il est trop maligne pour toi. Dis-toi que les filles comme elle ne se domptent pas. Laisse courir boy car ça devait finir comme ça. Un nom fantôme de plus sur son agenda. Quant à toi, oublie-la, elle a déjà une nouvelle proie. L'option où elle levait, t'as perdu tous tes droits. Tu cries zim zima. Elle ne reviendra pas même avec tes Elle ne veut plus de toi, elle te rend dingue boy quand elle a son poum poum short. Et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque. Elle te rend ding ding ding quand elle whine dans son short. Et y'a pas que chez toi chum. Rien ne sert de lutter, le temps ne pourra jamais l'effacer. À quoi bon résister, car dans mon âme son image est gravée. L'amour c'est pas juste belle bonda dans Batty Rider. Où y'a besoin plus pose pour garder forme là. Sa mamzelle pas les temps pour bow, pas les temps pour roman ça ou là. Si ou pas tenir l'esprit pour contrôle bon t'as là. Où t'es tenu y'a savent que ça te c'est quand j'finis con ça. Boy, pas comme t'es ta oublié histoire où t'as là, elle te rend ding ding ding. Quand elle a son poum poum, quoi, chat. Et ton problème, c'est simplement qu'elle s'en moque, elle te rend ding. Boy, quand elle whine dans son chat, et y'a pas que chez toi qu'elle a causé un choc choma. La nuit se couche encore ici-bas. Les soirées n'ont plus le même éclat. Et si la lune brille, baby, elle ne brille plus pour moi. Les étoiles se font claires et la nuit. Mais dans ma tête, je dois faire le vide. Le temps s'est arrêté ici depuis que tu n'es plus là. C'est simplement qu'elle s'en moque, qu'elle te rend dingue. La journée sans elle wine dans son champ. Et y'a pas que moi que la causée qu'un choc, elle te rend dingue, dingue, dingue. Le temps s'est arrêté ici depuis que tu n'es plus là. C'est simplement qu'elle s'en moque, qu'elle te rend dingue. Elle rend dingue avec son poum poum chat. Je crois que t'es pas vraiment seul dans les charts. Elle est trop belle, subtile, trop sexy pour toi, gars. Skyrock Classics, tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock. Classics, 18h-20h. Oh nana, what's my name? Oh nana, what's my name? heard you good with them soft lips. Yeah, you know word of mouth. The square root of 69 is eight something, right? Cause I've been trying to work it out. Good weed, white wine. I come alive in the nighttime. Yeah, okay, away we go. Only thing we have on is the radio. Oh, let it play. Say you gotta leave, but I know you wanna stay. You just waiting on the traffic jam to finish, girl. The things that we can do in 20 minutes, girl. Say my name, say my name. Wear it out. It's getting hot, crack a window, air it out. I can get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna say. Everybody knows how to work my body. Knows how to make me want it. But boy, you stay up on it. You got the something that keeps me so balanced. Classics, classics, classics. 18h-20h. Hey, this is Jay-Z on Skyrock. Hey, this is Rihanna. Rap, R&B, non-stop. The remix. The remix. The remix. Rihanna. Good girl going bad. Take three. Action. No clouds in my stones. Let it rain. I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we go. We Rockefeller, we fly higher than weather, and G5s are better. You know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back, with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. No thumbs to get out to the end. Now that it's C'est Skyrock que vous écoutez, Skyrock Classics, en l'occurrence tous les dimanches soirs 18h-20h avec Umbrella à l'instant, le son de Rihanna et Jay-Z. Elle donne un petit conseil aux Portugais ce soir, ça va pleuvoir, des buts de Griezmann, de Giroud dans tous les sens. Umbrella, prenez-le les Portugais, allez, il y a un instant en standard, on vous a demandé, si jamais vous entendiez deux titres de Rihanna, à la suite sur l'antenne, de nous envoyer un petit message, le mot Rihanna au 7-20-20. Quelqu'un est au standard avec nous, il s'agit de Léa. Salut Léa de Nîmes. Salut. Ça va, en pleine forme? Oui, en pleine forme. Tu supportes les Bleus pour ce soir, j'espère? Mais bien sûr que je supporte. Ah bah c'est cool. Alors, qu'est-ce que tu as entendu à la radio? Tiens. J'ai entendu What's My Name, si vous aimeriez là. Eh bah on dirait que t'as gagné 5 places pour aller voir Rihanna, c'est du côté de Nice. Eh ouais, c'est magnifique. Bon, ce sera pour toi vendredi prochain. Tu y seras avec 4 de tes amis à l'Allianz Riviera, le grand stade. La première date de l'Anti-World Tour qui passe en France avec Skyrock, bien sûr. Merci beaucoup. Eh ben super Léa, je t'embrasse, vive bien le match grâce à Skyrock, avec une émission spéciale avec G-Fool, avec Fred, avec toute l'équipe de Skyrock ce soir, entre 21h et minuit. Oui. Je t'embrasse Léa. Moi aussi. Kiffe bien le concert. Ouais, merci. Ciao Léa de Nîmes qui a cartonné. Prochaine fois que vous entendez deux sons de Rihanna sur l'antenne, c'est 5 places pour vous, si vous envoyez Rihanna au 7-20-20. Soyez bien à l'écoute, ça peut tomber à n'importe quel moment. Rihanna, on vient de l'écouter, là c'est Rihanna. Et non, je suis complètement paumé moi, c'est Eminem, Stan, avec Dido. Skyrock Classics, les meilleurs sons de Skyrock à retrouver 18h-20h chaque dimanche. Stan et Sean Paul Busta Rhymes, c'est Make It Clap. Comme ça on va applaudir l'équipe de France. Ah, je fais derrière le micro moi. Allez les bleus. Allez, Make It Clap, c'est Busta Rhymes et Sean Paul, puis Eminem. Dido, tout de suite. Écoute Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. Ouais, je suis grillé ou quoi? Donc je parle à une meuf. Ça si, ça là, tu fais si, t'as plein de meufs, on t'a vu là, je connais elle, wesh. Scarface. Elle me regarde de haut en bas. Elle me dit arrête de me prendre pour un imbécile. Dois rejoindre mes copines, on s'en va. Je lui dis attends un peu, laisse-moi ton code, puis on se revoit. Elle me répond que de toute façon, négro comme moi ne l'intéresse pas. Qu'un gars comme moi l'utilisera, lui fera la misère et la délaissera. Je ne comprends pas pourquoi elle me dit ça. Je vais pas lui faire la DSK, j'ai même pas la gueule de l'emploi. Laisse-moi te prouver le contraire. Donne-moi l'heure et l'endroit. Comment je vais faire pour qu'elle oublie tous mes travers? Bijoux, tatouages et mon univers. Si le monde est à moi, le monde est à nous. Les autres en face sont jaloux. T'es pas bonne si t'as pas tête, t'as wallou. Mon petit cœur tombe en panne sèche. Mais en dehors de ça, au-delà du fait que tu es bonne, je veux le coffre-fort de ton cœur. Je veux tous les codes entrés dans ton cerveau. Sans effacer, sans effacer, te faire aimer mauvais garçon. Il réussit car il le devait. De l'argent comme s'il en pleuvait. Parle d'amour comme s'il en rêvait. Il savait comme s'il en crevait. Je vais l'oublier, je vais l'oublier. T'es fraîche, t'es bonne et tout, mais je vais retourner à mes billets. Top de la tête aux pieds, elle ne pensera jamais le contraire. Verbal King, Flo, Kaiser, Sosé, que de la frappe comme un enterre. Oh. Si le monde est à moi, le monde est à nous. Les autres en face sont jaloux. T'es pas bonne si t'as pas de veste, t'as wallou. Petit cœur tombe en panne sèche. Mais en dehors de ça, au-delà du fait que tu es bonne, je veux le coffre-fort de ton cœur. Je veux tous les codes entrés dans ton cerveau. Sans effacer, sans effacer, te faire aimer mauvais garçon. Skyrock Classics. Classics. Picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. My tears don't cold, I wonder if I got out of bed alone. The morning rain clouds up my window. but you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn, you must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, what's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too, I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over some who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too, that shit was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan. Still ain't called a row, I hope you have a chance. I ain't mad, I just think it's f***ed up you don't answer fans. If you didn't wanna talk to me outside the concert, you didn't have to. But you could've signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man, he's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you 4 hours and you just said no. That's pretty f***ed, man, you're like his f***ing idol. He wants to be just like you, man, he likes you more than I do. Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline, the pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim, no one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man, I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too. Call and write my fans. This will be the last package I ever send you. Been 6 months and still no word. I don't deserve it. I know you got my last two letters. I wrote the addresses on them perfect. So this is my cassette I'm sending you. I hope you hear it. I'm in the car right now. I'm doing 90 on the freeway. I loved you, Slim. We could have been together. Think about it. You ruined it now. I hope you can't sleep and you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you when you can't breathe without me. See, Slim, shut up, I'm trying to talk. Hey, Slim, that's my girlfriend screaming in the trunk. But I didn't slit her throat, I just tied her up. See, I ain't like you, cause if she suffocates, she'll suffer more. And then she'll die too. Well, gotta go, I'm almost at the bridge now. Oh, I forgot, how am I supposed to send this out? Dear Stan, I meant to write you sooner, but I just been busy. You said your girlfriend's pregnant now, how far along is she? Look, I'm really flattered you would call your daughter that. And here's an autograph for your brother, I wrote it on the starter cap. I'm sorry I didn't see you with the show, I must have missed you. Don't think I did that intentionally, just to diss you. But what's the you said about you like to cut your wrist too? I say that clowning, dog, come on, how your bitch you? You got some issues, Stan, I think you need some counseling to help your from bouncing off the walls when you get down some. And what's the about us meant to be together? That's like it'll make me not want us to meet each other. I really think you and your girlfriend need each other, but maybe you just need to treat her better. I hope you get to read this letter. I just hope it reaches you in time before you hurt yourself. I think that you'll be doing just fine if you relax a little. I'm glad I inspire you, but Stan, why are you so mad? Try to understand that I do want you as a fan. I just don't want you to do some crazy. I seen this one on the news a couple weeks ago that made me sick. Some dude was drunk and drove his car over a bridge and had his girlfriend in the trunk, and she was pregnant with his kid. And in the car they found a tape, but they didn't say who it was to. Come to think about it, his name was, it was you. Damn. Tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock. Skyrock classique. We make it clap. We make it clap. Yeah, yeah, yeah. Flip mode. Busta Rhymes. Busta Rhymes. Sean Paul. One more time. Kill him with the rhyme. Remix time. Remix. Yo, flip star. Flip mode squad. Kill him with the rhyme. Come on. I'm dirty, yeah. Jump Pour drop on no one and sit down. Get up again and wig out. Make everybody flip out and never carry on. Till you're tired I want chill out. All of the girls are spread out. Make your body keep clapping on. Before the road with all the artists, it's a girl. Let me know the dance and don't take up with the young. Make the girl them jump up and prance. Bust the rhyme and turn them for the lyrical magicians. Therefore make them sweat up, jump up, wave up them ass. Before the road with all the artists, it's a girl. Let me know the dance and don't take up with the young. Make the girl them jump up and prance. Bust the rhyme and turn them for the lyrical magicians. Therefore make them sweat up, jump up, wave up them ass. To push it up there. Back with the remix with Spliff and Sean and Paul in the corner. Can't believe when we do it, we smack it down how we wanna. Keeping it coming, keeping it going, cause we ain't playing. I'm talking to all my people, cause what I'm saying is, in case you ain't knowing, in case you ain't heard. And if you want us to send it, just give me the word. This one goes down to my soldiers that be flipping them birds. To all my shorties wiggling and shaking their curves. We make it clap. We make it clap. We make it clap. We make it clap. Snapper, look at shorty shaking it and making it clap. Booty big, poking out like 20s on the lap. When I give it to her, shorty know how to do it back. We be banging to the beat, sometimes we overlap. Sing, y'all peel out your blouse and your tight jeans. Let me lick it down, dip you in some ice cream. Y'all holla holla my name when I slide. Dean, thunderstorm, rain, sleet and lightning. Hold me tight, feel it trini man grinding. And grinding, and grinding. Y'all dip and bounce, start whining. You see spliff, Sean Paul and Busta Rhymes in. We got dope. You can tell by what we driving. Look at the juice. How we tripping and blinding. And blinding. And blinding. It's yeah. Like that. Make it clap now. In case you ain't knowing, in case you ain't heard. And if you want us to sell it, just give me the word. This one goes down to my soldiers that be flipping them birds. To all my shorties wiggling and shaking their curves. We make it clap. We make it clap. We make it clap. We make it clap. Flip more the road with all the artists. It's a girl, let me know the dance. I don't think up with the young. Make the girl, them jump up and prance. Bust the rhyme and turn up all the lyrical magicians. Therefore make them sweat up, jump up, wave up them ass. Flip more the road with all the artists. It's a girl, let me know the dance. I don't think up with the young. Make the girl, them jump up and prance. Bust the rhyme and turn up all the lyrical magicians. Therefore make them sweat up, jump up, wave up them ass. We make it clap there, keep it a clap, y'all. Wiggle your body, me waffle see y'all on the side where you a pop there. Listen the lyrics and when the dirty y'all a chat say. Rotate your body then and stop like a patchy. Don and Karen all auntie and patty. In all the video light just like a big Sunday matinee. Taffy give me the light, me blow the smoke like a factory. Mashing up the dance, I'm a flatney. We make it clap. Woman comedy, abominable snowman. Put it down, make him say you're such a phenomenal showman. Unbelievable how you be stacking the dough, man. Like we rolling 1,000 head cracks in a row, man. The way we stop the show and how we constantly flow, man. Regular paper coming, watch me properly blow, man. Come on, keeping it coming, keeping it going, cause we ain't playing. I'm talking to all of my people because what I'm saying is, in case you ain't knowing, in case you ain't heard. And if you want us to sell it, just give me the word. This one goes down to my soldiers that be flipping them birds. To all my shorties wiggling and shaking their curves. We make it clap. We make it clap. We make it clap. We make it clap. We make it clap. We make it clap. We make it clap. We make it clap. Et ouais, c'est bien, Sean Paul il applaudit l'équipe de France lui aussi. Allez les Bleus, ce soir la finale à suivre. Émission spéciale entre 21h et minuit avec l'intégralité de l'équipe de Skyrock, D-Fool, Fred. Tout le monde sera là pour supporter la France jusqu'au dernier souffle. Skyrock Classics avec à l'instant, c'était Busta Rhymes et Sean Paul avec Make It Clap justement. Clap clap, ça va clapper dans tous les sens ce soir. Skyrock Classics, la meilleure émission pour bien terminer le dimanche soir. Juste avant de retrouver le Hit US, le classement des 10 titres les plus vendus aux États-Unis, c'est entre 20h et 21h, ce sera tout à l'heure. Là, on est reparti maintenant pour une nouvelle heure de son 100% classique avec NTM, c'est arrivé près de chez toi. Ja Rule HNT, Always on Time et Arrested Development, c'est maintenant avec People Everyday sur Skyrock. C'est Maxime jusqu'à 20h. Skyrock Classics avec Maxime. 18h-20h sur Skyrock. Skyrock. Skyrock. Premier sur le rap. My day was going great and my soul was at ease until a group of brothers started bugging out, drinking the 40 ounce, going disrespecting my black queen, holding their crosses and being obscene. At first I ignored them, cause see I know the type. They got drunk, they got guns, and yes they wanna fight. And they see a young couple having a time that's good, and the eagles wanna test their brother's manhood. So they came to test me cause of my heritage and the loud bright colors that I wear. I was a target cause I'm a fashion misfit, and the outfit that I'm wearing, brothers dissing it. While I stay calm and pray, leave me be. But they squeeze the parts of my date's anatomy. Why Lord, two brothers have to drill me? Cause if I stop to hit this man, they'll have to kill me. Take the brother out for being rude. And like I said before, I was mad about it. It took three or four cops to pull me off of him. But that's the story, y'all, of a black man. Get stomped by an African. You see, Skyrock Classics. Got a lot of things I need to explain, but baby, you know the name, and love is about pain. So stop the complaints and drop the order of restraint. Sex life's a game, so back me down in the paint. I can't wait no more, cause it's about a quarter past three, and sure days I mean, I got the Bentley valet, and I'm just outside of Jersey, past the Palisades, and I love to see that some boots and shades spread out on the bed while I'm yanking your braids. Style. You never thought I'd make you smile while I'm smacking your ass and hitting you all wild. We share something so rare, but who cares? You can, baby. I'm not always there when you call, but I'm come on, pull it together. It's only a sun shower. We've been through worse weather, like stormy night. You wrote a dear John letter and took my Benz and keyed and cut the leather. Girl, you know better. Be the MOB. Money over Brody's murder, INC. I got two or three broads for every V, and I keep them drugged up off that ecstasy. I'm a playground legend like Kirkland Pee-wee. I'm a baller in the league, got more game than me. I play harder, so many women I fathered. Meet them with scars and send them home hot and bothered. Truth to dare, this life ain't apparently fair, and a love with no glare is a crystal stare. But we share something so rare, but who cares? You can, baby.

love you gave to the valet. Knew that it was game when you looked at me, pulling up your sleeve so I could see the rolly blade. Saw you later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you. But your heart's a mess, think you ought to know. Doesn't matter if you're balling out of control. Thought you'd understand, baby, credit cards are in romance. So you're trying to buy what's already yours. What I need from you is not available in stores. Seen the side of you that I really feel. Doing way too much, never keep it real. If it doesn't change, gotta hit the road. Now I'm leaving with my keys, I've got to go. Je me rappelle des jumeaux il y a une vingtaine d'années, avec leurs locks dressés. Et pareillement, ça fait c'était ma passe en place du MA3. Pour le bis, son avis, son du rap 100% afro. Toujours paré prêt pour un show pro synchro. Jekyll, DOC, danser le Ndombolo. L'histoire de ses frères, les deux balles nickel. Ça a marqué des générations entières pour la famille du C'était le grand Wandou, Lacoste et Reul, dérangez pas surtout. 100% Congo, Weston, Croco, les coucounes comme Rocco, il est escroqué l'ego. Plein de tricks dans les coco voli bengele. Arsenic, Nassik, Kabamindele. Je me souviens de son show, il est N'Golo. Très souvent il chassait pour le N'Golo, N'Golo. Facile, mais vraiment, à mon souvenir, toi aussi tu faisais partie de ce groupe-là. Ah, la musique là était vraiment bonne. Ah, dommage que tu ne sois plus la même. Donc tu insinues que je ne suis plus belle, ça. Ah, c'est plus. Comme à l'époque on s'est connu sur cette fameuse zouk. Ah, viens, on va danser maintenant. Allons-y, ma chérie. Son cousin Lino. Tous les deux faisaient partie du Bisson à Bisson. Parce qu'ils étaient ceux qui pouvaient choper des meufs en eau. Chacun véritable escroc. Trafic de lingots, trafiquer même les mots. Un mauvais quel mot qu'on aimerait maudire. Et dire aux parents que Bissot c'était pas du tout. Les jaloux ne pouvaient même pas leur tourner le dos. Ce groupe était tellement fort qu'ils créèrent une de mots. L'altesse, le double S et le poisson c'était chaud. Balancez votre code de tous les décos. Tessot à la vue de la bombe au sursaut. Dans le village, ils traînaient contre ce saut. Un véritable gang congolais, aussi beau qu'un coucher de soleil qui réveille nos pensées haut. Bissot, Bissot. Ça n'existerait pas sans Mister Mystique. Faire de lance tacticien pique sur le mythique. Avec l'accent, l'accent central. L'animal fétiche, grand compagnon du sorcier. Petit mais costaud, la ferme jamais. Toujours une histoire, une fable, la finirait dans l'hosto, je te jure. Un vrai bandit. Ça venait l'Oubaï, au pays dans ses loquetio. Comme Clotaire, il aimait les Bakendjo. Dans son secteur, c'était le pasteur, sa case est marrant. Pour lui, écoute le coup de clairant. Regarde-le, 1m90, bien rasé, mal propre. Toutes les à sacrer les lèvres. Il aimait être à la hine, brailler sa moustache affinée. Ah, vraiment me passer. Ah, vraiment, j'aimerais danser Bissot encore beaucoup. C'est juste que dans la tombe, on va danser ce Bissot, non? Ah, Bissot. Vous écoutez Skyrock, la meilleure émission pour terminer les dimanches. Et aujourd'hui, c'est un dimanche très spécial, hein, puisque ce soir, il y aura la finale à suivre dans la plus grande radio libre de France, celle de Difool, et toute l'équipe et l'intégralité des animateurs de Skyrock un peu disséminés partout dans toute la France. On aura des témoignages nationaux. Ce sera le grand multiplex de Skyrock à partir de 21h. Juste avant, ce sera le Hit US à partir de 20h, entre 20h et 21h. Avec Stéphane, on va découvrir les 10 meilleures ventes de son rap R&B aux États-Unis cette semaine. Est-ce que Justin Timberlake va garder la première place? Soyez bien à l'écoute de Skyrock. Et là, on est reparti pour une demi-heure de classics avec Jason Derulo. Voici Talk Dirty avec 2 Chainz, The Beatnuts juste après. C'est Watch Out Now et Diams, le son de Diams, le son de Lesson, c'est DJ qui se prépare sur Skyrock. Jason. Get jazzy on. I'm that flight that you get on. International. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti. Got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You talk dirty to me. Jazzy on them. You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Close to genius. Sold out arenas. You can suck my b- Gilbert Arenas. Guns on deck. Chest to chest. Tongue on neck. International oral sex. Every picture I take I pose a threat. Bone and jet. What you expect? Her so good I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on a big booty. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on a big booty. Been around the world, don't speak the language. Your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You do. Talk dirty to me. What? I don't understand. Skyrock Classics. Watch out now. Yo, my song's on, I gotta get my grub on some Toto. All the three buckets I'm on, but we getting on though. Off the books, you getting jelly, pulling on hoes off the look, you getting jelly. You wanna hate me, cause your wifey wants an autograph. I'm looking in her eyes, I can see she wants more than that. When I see fat asses, I make fat passes like quarterback. Beat nuts, it's all of that, your shit water whack. Don't think I'm dead, I have you fooling with my cheddar. Hard rock, ever since junior high, swell I fly fella. Taking my beats to make your crowd get up, I'm fed up. Niggas wanna bring it, whatever, I'ma storm your parade. Blow your legs off with a grenade. Now you flapping like a mermaid. Gapping off with your cough and the lips while I'm at the bar. Bagging the bartender tips. Then I bag this chick with a high in the eye. She did the butterfly, rubbing her ass against my button fly. I could already imagine my shit stuck inside. Every time I strike, haters be like that fucking guy. How's that joke? It's hard for you to swallow. It don't take much for us to let the metal holler. That's personal for old black and pala. Fuck nigga, only fuck with muchacha mala. Big Jew, dímelo coño, how we do? How we do? To my Pollyan niggas who campaign, to the killers who be loving the chicas and champagne, thugs who be wild in the club and snatch chain, players who be pimping the hoes with no brains, front watch a nigga get shot from close range, the most strange, crazy motherfucker won't change, beat nuts forever die hard, you want pain, cause you walking out of here breathing is insane, flip a beat fast, you leave the club with a heat rash, you got a weak stash, came in the club with a free pass, I ain't even know they made a rollie for your cheap ass, making me laugh, you was in jail wearing knee pads, not a beat fast, gotten over your head, it's over your day, Range Rover both of your legs to both of us set. Platinum getting took this year, cause for real there ain't nothing but crooks in here, nigga. How's that joke? It's hard for you to swallow. It don't take much for us to let the metal holler. Last person out for old black and pala. Fuck nigga, only fuck with muchacha mala. Big Jew, dímelo coño, how we do? How we do? Don't call it love, man, they like you. What you gon' do? What you gon' do? What you gon' do? Repeat, just come through, man. Watch out now. Psycho Blast. Big Jew, watch out now. Sweet guys, watch out now. Get money, get money, baby. Get money, watch out now. Get money, get money. Throw your hands up. Watch out now. Throw your hands up. Ils ont tous démarré sur Skyrock. Démarré sur Skyrock. Skyrock Classics. Laisse-moi qui fais la vibe avec mon mec, j'ai pas de temps à perdre dans des prises de tête. Pourquoi tu m'observes? Pourquoi tu me regardes? Tu veux mon mec ou quoi? Je te mets en garde. On touche pas ça, on baisse les yeux. T'as cru que t'avais du style dans ton pot de pêche bleu. Mes meufs, j'ai le même, on a toutes le même. Car on va toutes se ruiner chez H&M. Je sais que je suis pas une bombe latine, ni que je suis pas une blonde platine. Je sais que tu veux pas que je t'égratine. Tu galères, ben viens, je te présente le DJ derrière les platines. Je sais que je suis pas une bombe latine, ni une blonde platine. DJ, je sais que je suis pas une bombe latine. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. J'suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer. J'ai mes soucis donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibes avec ce que j'aime. Non, non, non, non. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. J'suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer. J'ai mes soucis donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibes avec ce que j'aime. Non, non, non, non. J'suis pas du mal à ce qu'on me saoule. DJ, y'a de la foule donc mes noix sont de fous. Pourquoi tu fais genre, je te vois venir avec tes belles jambes, tu crois tout permis, mais baisse les yeux. Trouve-toi un autre mec que c'est mieux, laisse tomber le mien, sérieux. Rien que tu ris, rien que tu teases, rien que tu te prends pour Alicia Keys. Y'a trop de coquines, trop de balles, copines, de stars qui se la pètent entre copines. Trop de minettes qui veulent se faire remarquer, trop de fillettes qui font les belles à peine débarquer. Moi, je suis pas une bombe latine, ni une bombe platine. DJ, je suis pas une bombe latine, ni une bombe platine. DJ, laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. J'suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer. J'ai mes soucis donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibes avec ce gène. Non, non, non, non. J'suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête, non. Ni d'humeur à ce qu'on drague mon mec. Tu connais ni mon histoire, ni mes problèmes. Cherche-toi un motard ou un mec open. Fais pas le mannequin, j'imagine déjà la tête que tu dois avoir le matin. Donc reste sage, ne me teste pas. Laisse-moi kiffer la vibe, ne me stresse pas. Tu fais la meuf in, mais nous on le sait que t'as pompé ton style sur Beyoncé. J'suis pas une bombe latine, mais moi le DJ passe mon vinyle sur ses platines. J'suis pas une bombe latine, ni une bombe platine, DJ. J'suis pas une bombe latine. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. J'ai du bon platine. J'suis pas une bombe latine. J'ai du bon platine. J'ai du bon platine. Donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibes avec ce gène. J'ai du bon platine. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. J'suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer. J'ai mes soucis donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibes avec ce que j'aime. Non, non, non, non. Au départ, il n'était que sur Skyrock. Aujourd'hui, tu les entends partout. Skyrock Classics. Locked up, they won't let me out. And I had a long day in court, shit stressed me out. Won't give me a bail, it can't get me out. Now I'm headed to the county, gotta do a bid here. I used to live in luxurious, I don't wanna live here. The walls is gray, the clothes is orange. The phones is broke, the food is garbage. A lot of niggas is living with these circumstances. SP's the same, I still murk your manses. Drug money to rap money, work advances. Niggas ran and told I should've murked the Kansas. Got popped for a murder attempt. Knocked me on D block when I was burning the hemp. Had a brick in the stash, hope they don't take it to a further extent. Locked up and they won't let me out. When I hit my cell block, niggas know to threat me out. I'm steady trying to find the motive. Why I do what I do? And freedom ain't getting no closer. No matter how far I go, my car is stolen. No registration. Cops patrolling. And now they done stop me and I get locked up. They won't let me out. They won't let me out. Locked up. They won't let me out. No. Town to Rio, back with a couple peeps. The corner block's on fire, from the covers dressed as queens. Making so much money, products moving fast. Put away the stash, and as I sold the last bag, fucked around and got locked up. They won't let me out. They won't let me out. My nigga, I'm locked up. They won't let me out. No. Now that I'm locked up, I rep two sets, so I'ma ride or die and stay deep locked up. Two toothbrushes up, whoever wanted would pee. When I walk by, nigga, get up, cause I'm locked up, they can't get me out. I smoke a stick of haze when they stress me out. Go and hit the bar when the wrecks be out. Can't wait for the day when they let me out. This visitation no longer comes by. Seems like they forgot about me. Commissary is getting empty. My cellmates eating food without me. Can't wait to get out and move forward with my life. Got a family that loves me and wants me to do right. But instead I'm here locked up. They won't let me out. They won't let me out. I'm locked up. They won't let me out. No. I'm locked up. They won't let me out. Where's my lawyer? They won't let me out. I'm locked up. La première fois qu'on a entendu la voix d'Econ en France, c'était bien entendu ici sur Skyrock avec ce son Locked Up à l'instant, le premier son d'Econ entendu en premier sur Skyrock bien sûr. Et sur Skyrock on est premier sur le foot avec ce soir la grande finale France-Portugal à suivre avec toute l'équipe. Je dis bien toute l'équipe, il y aura Diffoul, il y aura Fred, il y aura plein d'animateurs au téléphone un peu partout dans toute la France pour nous faire vivre au plus près cette magnifique finale française qu'on va gagner j'espère. Allez les bleus, allez les bleus. Même Sean Paul. Sean Paul aussi supporte la France, bien sûr. Sean Paul a écouté dans Skyrock Classics avant 20h, c'est Legalize It. Et puis bougez pas, le Hit US débarque, c'est les 10 meilleures ventes aux States à partir de 20h avec Stéphane. Écoute Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. Et DJ Abdel, Funk You 1 avec Mister You. Bien ou quoi, Mister You, comment tu vas à la femme? J'ai un petit service à te demander. Alors tu vois, il y a une petite meuf dans 19, je lui ai laissé les clés d'une du roi. Mais je sais pas, je lui fais plus confiance, te plaît, récupère-les pour moi. Dès que tu les as direct sortis, tu les passes à Abdel. Pour lui, les passes à souris, car lui seul sait où se trouve l'hôtel. Où est planqué la secret, ensuite tu me le passes au tel. Lui me dira si c'est ok, si t'enlèves tous les portails. Puis appelle Nabil et récupère mon disque dur. Ensuite, passe à Belleville, demande le numéro de que dur. Appelle-le, il comprendra, dis-lui que moi j'ai des courbatures. Mais que le colis a été livré, que là c'est coulis qu'à la voiture. Eh, c'est bon, t'as tout capté, hein. Ok, ok, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Ruka ta ga. Je me réveille, c'est pas le vrai. Renouna dans les yeux, je me tire et je roule en serre. J'suis dans le coltard, t'as ouais, j'plane dans les airs. Comme d'hab, y'a rien à faire, la misère, la galère. Vu que j'ai mal aux dents, j'me les brosse et me fais un bon touche. Hachette, j'fais yesh et j'tape une bonne touche. J'avoue la liberté, ah fiche. Y'a que l'entraîneur qui a le droit d'être fier d'être sur le banc de touche. Les minuit pile, il va falloir quitter la ville. La volonté, champagne et sky. Soir, son vomi de la ville, j'ai leur la mine, ça me dérange pas, moi j'aime bien. Quand j'vais en Afrique avec du fric, j'pourrais claquer, j'sais pas combien, j'veux voir toutes les mains en l'air. Soir, ce c'est la guerre, le fils de la pute molaire, l'infection est pulmonaire, car j'fume trop dit la rappelle. Direction Marrakech, les frères qui m'aiment me suivent, ceux qui m'aiment pas garder la pêche. Sauf-toi. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Classics, 18h-20h. Just give me the G's and we be clubbing, y'all. Y'all make me please and we be tugging now. Sipping in the sea and we be bubbling, y'all. Set to minor T's, we gotta take it slow. So in the city, yes, be floating, don't provoke him. Cause the girls were poking, got to smoking. Best thing for the recreation, to get the best girls in every nation. Top of girls, we promoting and supporting. And them lover, we floating, hear them shouting. First class ticket invitation, girl from New York, England and Jamaica. Every day, we be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind it for we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize. Me want to raise me, to me writing up tune and drive them crazy. But I'm when I two born Jamaican, ready for the girl them in every situation. We are the girl them proud, they know we flow with the lyrical content that make them deflow. And make the club keep jumping, turn up the bass when you hear this pumping. Summertime bounce to the music, people choose it. Sound up the girl, I cruise it, but refute it. Cause we are the girl them champion, got enough of them like the great King Solomon. Many girls on my eyesight, sexy dress type, and I'm ready for your eyes, now just give me the light and make we blaze it, the roof, we are free, raise it again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind it, but we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, limping as we riding. Just give me the jeans and we be clubbing, yeah. Clubbing, yeah. Y'all make we please and we be tugging now. And we be bubbling, yo, bubbling, yo. Set to minor teens, we gotta take it slow. So when the city SP floating, don't provoke him. Cause the girls will be poking, got to smoking. Best thing for the recreation, we get the best girls in every nation. Some girls we promoting and supporting, and them love how we floating, hear them shouting. First class ticket invitation, girl from New York, England and Jamaica. Every day we be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind if we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, pimping as we riding again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind if we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, pimping as we riding again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind if we. The jeans and we be clubbing, yo, clubbing, yo. Y'all make we please and we be talking now, talking now. Sipping Hennessy and we be bubbling, yo, bubbling, yo. Set to minor teens, we gotta take it slow. Sean Paul sur Skyrock pour clôturer le Skyrock Classics de ce dimanche 10 juillet, spécial pour tous les Français, pour tous les Portugais. Sean Paul, Legalize It à l'instant, et on va encourager l'équipe de France dans moins d'une heure maintenant avec une émission spéciale, la plus grande radio libre de France avec Guy Foul et toute l'équipe, plus l'intégralité ou la quasi-intégralité des animateurs de Skyrock, dont Stéphane qui est en face de moi. Eh ouais, je suis bouillantissime. Eh, allez, les bleus, attends, allez, Maxime, les bleus. On est à quelques minutes, allez, à une heure du coup d'envoi de cette finale de l'Euro 2016 entre les Portugais et les Français. Franchement, j'espère que ça va le faire. Bah ouais, on supporte tout ça à fond. Premier sur le foot, c'est Skyrock, bien sûr. Quoi, rien que pour fêter ça, je vais attaquer le 8 US. Regarde avec la petite musique de Laurent. Eh ben c'est magnifique ça. Pour supporter les bleus. D'ailleurs, je fais une dédicace à tous les Portugais. Franchement, quand je suis venu à la radio, il y a plein de maillots français dans les rues, plein de maillots portugais un petit peu partout. Franchement, c'est la fête, ça fait plaisir. L'Euro et puis l'émission spéciale à pas louper tout à l'heure. Donc, un petit peu avant 21h, il y a Fred qui va arriver, il y aura Difool, enfin toute l'équipe, une grande partie de l'équipe de Skyrock, même l'équipe de Skyrock qui sera là pour vous faire vivre. Mais vous aussi d'ailleurs, hein, si vous voulez passer en direct tout à l'heure dans l'émission, vous matez le match à la télévision et vous écoutez ça à la radio, il n'y a pas de problème. Franchement, venez avec nous commenter le match. Et ben, on sera là tout à l'heure à partir de 21h. Et là, on découvre les titres qui ont le plus cartonné cette semaine aux États-Unis. Ah ouais, on va faire un petit 8 US. On va enlever le récap pour laisser la place à l'émission spéciale qui va débarquer tout à l'heure. Comme ça, on se fait le 8 US. Le 8 US, on va filer aux États-Unis avant de revenir en Europe pour vivre cette finale de l'Euro 2016. Allez, direction les États-Unis avec les 10 cartons rap et R&B là-bas au State. On va attaquer directement le classement. Allez. Avec le son qui est classé 10e cette semaine. C'est lui, 10e. Il s'appelle Designer et c'est Penda, le son qu'on s'écoute maintenant sur Skyrock.